Yo, par ici en Twitch, en Rider Squad! Fais tout bruit pour les salles! Louis-Ka! Dans le sang, dans la haine, j'ai gagné sans bug, j'ai monté mes chaînes. Ils parlent tous, mais moi je reste là, et même coupé, mon blaze résonne. Vous serez là, je poserai jamais ce micro.